vouloir assassiner. Tu pourras pour faire semblant des plus fines et baladant. Un des plus du temps, le sexe sur le commandant. Un jour pour vérifier.